إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuons aujourd'hui l'explication du livre en langue française qui s'intitule من كنوز القرآن الكريم, parmi les trésors du Saint-Coran du Cheikh Al-Allama Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafizahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui, on s'est arrêté ou on va continuer au verset numéro 47 de Surat Al-Baqarah. Donc on est toujours dans Surat Al-Baqarah, Surat la vache. Et aujourd'hui, c'est le verset numéro 47 que le Cheikh va expliquer. Donc c'est le passage qu'il a choisi. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين. Donc le sens du verset est le suivant: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples, à tous les peuples. يقول الشيخ المراد بالعالمين الذين فضل عليهم بنو إسرائيل هم عالم زمانهم. Dans un premier temps, pour comprendre bien le verset, c'est la première indication qui nous donne le shir, c'est que l'explication du terme al-alamin, on pourrait comprendre en fait tout le monde, c'est-à-dire que Bani Israël a été préféré par Allah Azzawajal sur tout le monde, que ce soit à n'importe quelle époque et dans n'importe quel endroit. C'est ce qu'on pourrait comprendre, parce que al-alamin, comme on l'avait déjà expliqué par rapport à Surat al-Fatiha, al-alamin, ça comprend le temps et ça comprend aussi l'endroit. Le temps et l'endroit. Al-Makan wa Zaman. Donc on pourrait comprendre du verset. Simplement que, ici, d'après bien sûr les tafsirs des savants, parmi l'explication des savants, eux ils nous disent, et ils vont s'appuyer bien sûr sur d'autres versets, ils vont nous dire en fait que la signification ici, al-alamin, comme a dit le shir, c'est-à-dire les peuples ou les mondes de leur temps à eux, le temps où ils ont vécu. Donc cette préférence, elle est spécifique et elle n'est pas générale. Elle est spécifique donc à une période. Et donc cette période-là, c'est leur temps à eux, le temps où ils ont vécu. Yani les enfants d'Israël, Banu Israël. Et ensuite, il y a le shir, وَأُمَّةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم هي خير الأمم. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ça c'est في سورة آل عمران, le verset 110. Quelle est la traduction de ce verset? Vous êtes la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait apparaître ou qui est apparu pour les hommes, pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez ce qui est mal, le blâmable. Et vous croyez en Allah. Le Cheikh Yaqul, donc, il nous a dit que d'après ce verset, qui est surat Ali Imran, verset 110, c'est une preuve que la communauté musulmane ou la communauté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des communautés. D'après comme preuve ce verset du Coran. Donc elle est meilleure que Bani Israël, que les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ici on voit que la préférence qui a été faite par rapport à cette communauté, elle est perdurable. C'est-à-dire depuis qu'ils ont apparu jusqu'à la fin du monde. Tout le temps. Enam. C'est donc quelque chose qui est supérieur à Bani Israël, aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont été préférés dans leur temps uniquement. Il nous donne aussi un autre verset le Cheikh pour appuyer cela, un autre verset du Coran. يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ça c'est Surat al-Baqarah et c'est le verset 143. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, de juste wasata, c'est-à-dire sur le juste milieu, pour que vous soyez témoins aux gens, c'est-à-dire vous serez témoins le jour du jugement par rapport aux autres communautés. Donc la personne qui va être témoin par rapport aux autres communautés, warfan, la communauté qui va être témoin par rapport aux autres communautés, c'est une communauté à qui il a été fait préférence. Et comme le messager sera témoin à vous, c'est-à-dire par rapport à vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera témoin également. Donc ce qui prouve la préférence qui a été faite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres hommes, par rapport à tous les hommes. Donc ça c'est encore une autre preuve. Deux versets nous rapportent le shirk pour nous prouver que la meilleure des communautés, qui est meilleure que cette communauté Bani Israël, c'est notre communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et yaqul al-shaykh wa khayru hadhihi al-umma ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les meilleurs de cette communauté, ce sont les compagnons du prophète. Les meilleurs de cette communauté, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول وقد امتحن الصحابة وبنو إسرائيل بما يخاف منه ويطمع فيه. C'est-à-dire qu'ils ont eu des épreuves. Les Sahaba, les compagnons du prophète, ils ont eu des épreuves comme ont eu des épreuves Banu Israël, les enfants d'Israël. Par rapport à ce qui peut faire peur, par exemple des épreuves dans ce qui fait peur dans le mal, dans l'épreuve dure, et également ويطمع فيه, c'est-à-dire des épreuves par rapport à une chose que l'on aurait aimé à avoir accès à elle, à cette chose-là. Il nous dit le shir, فَصَبَرَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَمْ يَصْبِرْ بَنُوا إِسْرَائِيلِ, c'est-à-dire que devant l'épreuve, et il va nous apporter l'épreuve, le shir, par rapport à ce qui s'est passé du Coran, ce qui nous a été cité dans le Coran, il va nous prouver qu'en fait, les sahaba, ils ont patienté. Les compagnons, ils ont patienté devant ces épreuves-là, alors que les enfants d'Israël n'ont pas patienté. Et on va voir dans quoi. قال شيخنا شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. Donc maintenant, on va venir avec une parole. On va maintenant passer, c'est-à-dire lorsqu'on va citer ce qu'on cite, maintenant, ça va être la parole de Cheikh Mohamed al-Amin, le Cheikh de Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad. Cheikh Mohamed al-Amin, رحمه الله. Et on verra en fait que cette parole-là n'est pas prise de son fameux tafsir Abwa al-Bayan, mais d'un autre livre qu'il va citer à la fin. « Ala kulli hal » يقول الشيخ ومما يدل على أفضلية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل أن الابتلاء الذي يظهر به الفضل وعدمه إنما يكون بخوف أو طمع. C'est-à-dire que le shir donc va répéter maintenant. Il va dire que parmi les preuves qui prouvent que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en l'occurrence ici qui, les premiers, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont été meilleurs que qui? Que les enfants d'Israël, ceux qu'ils ont bien sûr suivi, ceux qu'ils ont été derrière qui? Moïse alayhi salam, Moussa. Il va donc nous dire, il va nous rappeler deux choses. Dans un premier temps, bil-khouf, c'est-à-dire ils ont l'épreuve de al-khouf, de la peur, La peur en fait, cette peur là également Bani Israël ou Banu Israël ont été éprouvés par elle, comme les compagnons ont été éprouvés par elle, par la peur. Pour ce qui est des compagnons, et pour les chers, ptala Allahu jalla wa ala bi ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fawa annahum lamma ghazu ghazwat Badr wa sahala Abu Sufyan bil ayr wa stanfara lahum min nafir وجاءهم الخبر بأن العير سلمت وأن الجيش أقبل إليهم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Vous savez que les préliminaires de la bataille de Badr, au départ, c'était pas prévu en fait cette bataille de manière directe. C'est-à-dire qu'ils avaient eu l'intention, le prophète صلى الله عليه وسلم et les compagnons, de prendre quoi? De prendre en fait l'air. L'air en fait c'est el kafila. L'air ça veut dire la caravane tout entière. C'est-à-dire la marchandise qu'avait bien sûr Quraysh, et à leur tête Abu Sufyan, c'est lui qui était à la tête du convoi, et donc qui comprenait bien sûr des chameaux, qui comprenait de la marchandise, etc. Et comme vous savez, ils avaient deux grands voyages Quraysh, un voyage durant l'été et un voyage durant l'hiver. Salimat wa al-jaysh aqbala ilayhim. Bien sûr, elle a pu s'enfuir, c'est-à-dire qu'Abu Sufyan a réussi à s'enfuir des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wassahala, c'est-à-dire qu'il a pris en fait le bord de mer, en direction en fait, qui est vers la direction du Yémen et entre la mer Rouge. et donc il a pu s'enfuir. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Tout de suite est venue al-Jaysh, c'est-à-dire l'armée composée en fait de plusieurs guerriers de Quraysh. Aqbara ilayhim. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eux, ils vont se présenter. Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle va être plutôt la réaction des compagnons par rapport à cela? Et c'est pour ça que le cheikh Aqoul, à ce moment-là, Akhbarum al-Nabi sallam, c'est-à-dire il leur a dit que maintenant al-Jaysh est en route pour bien sûr nous combattre. قال له المقداد ابن عمرو رضي الله عنه والله لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا من دونه معك وقال ولو خط بنا هذا البحر ولو خط بنا هذا البحر لخضناه ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل انا معك مقاتلون انا معك مقاتلون. Et cette parole là il l'a répété plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, il jure par Allah. Bien sûr, al-Miqdad min al-Ansar, il fait partie des gens de Ménine, il fait partie des Ansar. Et comme vous savez, et comme va l'expliquer ensuite le Shir rahimallah, il explique en fait que le pacte qu'il y avait eu, c'est-à-dire le premier pacte, l'Aqaba, qu'il y avait eu entre les Ansar et entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il le protège et qu'il protège ses enfants comme il protège ses enfants et leurs enfants et leurs femmes, mais à l'intérieur de Médine et non à l'extérieur. Donc en fait, l'acte qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Ansar, c'était fi dakhil al-Médina et non walam yashtarit alayhim kharij al-Médina, c'est-à-dire qu'il n'a pas poser comme condition, c'est-à-dire cette condition de protection, en dehors de Médine. Et là, bien sûr, le combat va se passer où? En dehors de Médine. Donc, maintenant, c'est au choix maintenant de l'Ansar. Est-ce qu'ils vont sortir avec le prophète Solem pour combattre? Ou est-ce qu'ils vont rester, suivant l'acte, à l'intérieur de Médine? Parce que la condition n'est pas qu'ils combattent en dehors de Médine. Naam. Et à ce moment-là, donc, Al-Miqdad ibn Amr, il va parler devant, bien sûr, les autres compagnons, devant les autres Ansar. Il va jurer par Allah Azzawajal que si le prophète sallam, là où sirta, c'est-à-dire qu'il parle au prophète, si tu avais en fait, tu te diriges en direction, si tu vas en direction, il a bark al-rimad, ça c'est une bark, il est permis aussi qu'on dise birk, bark al-rimad, c'est en fait un endroit qui se trouve entre la Mecque et la direction du Yémen, Yaqul la ja'aladna man dunahu ma'ak, c'est-à-dire que nous combattrons. C'est pour ça que dans certaines riwayat on trouve la ja'adna, c'est-à-dire qu'on combattra avec toi. Où que tu iras en fait, nous serons avec toi, nous combattrons avec toi. Même si c'est en dehors de Médine, même si c'est encore jusqu'à cette contrée qui était proche en fait, proche de la Mecque. Il dit même si tu vas jusqu'à là-bas, nous viendrons avec toi et nous combattrons. Et c'est pour ça ensuite qu'il a dit, il lui dit même si tu rentres dans la mer. C'est-à-dire, si tu traverses la mer, nous traverserons la mer avec toi. C'est-à-dire la mer rouge. Et ensuite, il a dit, voilà, naqul laka kama qala qawm Moussa li Moussa. C'est-à-dire que nous ne te dirons jamais, comme le peuple de Moussa, c'est-à-dire donc Banu Israël, les enfants d'Israël, ont dit à Moïse. Et par rapport à ça, il va faire allusion, bien sûr, Al-Miqdad, il va faire allusion à ce qu'ont fait les enfants d'Israël par rapport à Moussa lorsqu'il leur a demandé de combattre. Il va nous citer le verset, on va revenir sur ce verset. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. Voilà ce qu'ils ont dit à leur prophète lorsque leur prophète leur a dit, nous allons combattre. Voilà ce qu'ils leur ont dit. Ils leur ont dit quoi? Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux, nous restons là où nous sommes. Subhanallah. Regardez l'adab, regardez le comportement, regardez leur prise de position. Va donc. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ اللَّهُ مُسْتَعَانَ. Va donc, toi et ton Seigneur. Et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Nahnu. Regardez maintenant la différence, la première différence qu'il y a au moment de l'épreuve. Ça, c'est bil khawf. La preuve qu'il y a eu maintenant par la peur. On va voir les preuves qu'il y a eu par en fait l'envie, le désir. On va voir ici que c'est la peur, el khawf. Regardez ce qu'ils ont dit à ce moment-là, Banu Israël. Regardez ce qu'est en train de dire un des Sahabi. Alors qu'il n'y avait pas la condition de combattre en dehors. Ici, il n'y a pas une condition en fait. Il n'y a pas une condition de combattre en dehors de Médine. Et pourtant. ولما عاد الكلام قال له سعد بن معاذ كأنك تعنينا معاشر الأنصار. C'est-à-dire qu'au moment plusieurs fois où il a répété plusieurs fois cette parole, Sa'd ibn Mu'adh, il a senti en fait que, pourquoi il parlait comme ça, Al-Miqdad, parler pour en fait inciter les autres à venir. Inciter les autres à venir. C'est pour ça qu'il a réagi à ce moment, Sa'd ibn Mu'adh. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, vous êtes concerné par rapport à ça, par rapport à la parole, c'est-à-dire par rapport à l'incitation de Al-Miqdad. À ce moment-là, il va dire une parole, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, une parole qui est connue, Al-Ma'ruf, Al-Ma'thur, une parole connue, une parole héritée. Mada sayakoul, Wallahi, inna la qawmun subur fil harb, suduqun inda al-liqa, Wallahi ma nakran talqa bina aduk, hatta tara minna ma yuqirru aynak, Wallahi, لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم رجل. C'est-à-dire, il va lui dire au prophète, il va jurer que nous sommes un peuple subur, subur, c'est-à-dire un peuple qui avons la patience dans la guerre, qui faisons preuve d'une grande, très grande patience durant la guerre. وصدوقنا عند اللقاء, et que nous sommes sincères au moment de la confrontation, c'est-à-dire qu'on part pas à droite ou à gauche ou on revient sur nos pas. On combat. Soudour, sincère au moment de la confrontation avec l'ennemi. Wallahi, il jure par Allah. Ma nakra an talqa bina aduwak hatta tara minna ma yuqirru aynak. C'est-à-dire, nous n'avons pas peur de rencontrer ton ennemi jusqu'à que toi tu voyes de tes yeux au prophète, pour que tu voyes de tes yeux ce qui va justement embellir tes yeux. Pour que tu voyes ce qui va embellir tes yeux. C'est-à-dire, tu vas nous voir combattre autour de toi et un combat qui sera sincère et rempli de patience et de courage. C'est-à-dire que certaines personnes sont parties parmi les compagnons. Mais s'ils avaient su que tu allais bien sûr rencontrer, donc s'ils savaient que tu allais rencontrer bien sûr cette épreuve-là, cette épreuve, alors jamais personne ne serait parti, jamais personne n'aurait délaissé. Simplement, ils n'ont pas eu science par rapport à cela. Ça, c'est la parole de Sa'd ibn Mu'adh. Et on a vu avant la parole de qui ? De Al-Miqdad ibn Amr. Donc, ils font partie des compagnons. Et voilà, donc, voilà leur position lorsqu'il est arrivé la peur, lorsqu'il est arrivé l'épreuve. Et on voit maintenant on peut faire une corrélation avec ce qui est arrivé ou à la prise de position de Banu Israël. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça ensuite qu'il y a le shir. بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف في سورة المائدة في قوله إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Ça c'est سورة المائدة et c'est le verset 22. سورة المائدة le verset 22. Il dit, oh Moïse, il y a un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu combattre auprès de Moïse ce peuple-là, le peuple qui se trouvait, et jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. Ils sortent de cet endroit là et au moment où ils en sortiront, alors nous y entrerons, c'est à dire que nous allons rentrer sans combat. Nous ne voulons pas combattre auprès de toi et nous rentrerons dans cet endroit là qui est sur le Bayt al-Maqdis. Nous ne rentrerons en fait que si quoi, que s'ils en sortent. Et ensuite il va donc rappeler le verset qu'on a cité, surat al-Maïda, le verset qui est 24, deux versets après, et qui dit donc qu'il leur fait part que jamais ils ne combattront. Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, nous restons là où nous sommes. Voilà ce qu'ils ont dit à Moïse, à leur prophète, Allah al-Musta'an. Et voilà ce qu'ont dit les compagnons à leur prophète. Ça c'est par rapport à Al-Khawf. Maintenant par rapport à l'Ibtila, biyash bima yuhibboun bima yatma'oun fi, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils vont aimer. Maintenant il va nous citer dans un premier temps l'épreuve de Bani Israël, dans cela. Et ça, c'est c'est fi surat al-A'raf, et le verset 163. Et le verset 163, il dit Kada ibtulia, ou kada ibtala Bani Israël bisayd, ibtala Allah, bisayd. Wa wasaydu samak, al-mafkour fil A'raf, al-mushar lahu fil Baqara, wasalum an il-qariyati lati kanat hadirat al-bahr. Ça c'est verset 163. Et interroge-le au sujet de la cité qui donnait sur la mer lorsqu'on y transgressait le sabbat. Et vous connaissez l'histoire. Ça c'est aussi Banu Israël. Ça c'est les enfants d'Israël. Simplement, Allah Azzawajal a voulu les éprouver. Ils faisaient bien sûr Saïd Samak, c'est-à-dire ils pêchaient. Ils pêchaient le poisson. Et Allah Azzawajal, pour les éprouver, leur a interdit de pêcher le samedi. As-Sabt. C'est pour ça qu'il y a le sabbat ici, mais c'est As-Sabt, le samedi en fait, le jour de la semaine, As-Sabt. Allah Azza wa Jalla leur interdit de pêcher ce jour-là le poisson. Et ce jour-là, bien sûr, il y avait beaucoup de poissons qui arrivaient. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en fait, comme à leur habitude, Al-Hila. C'est-à-dire, ils ont fait une astuce, une feinte, ils ont feinté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils jetaient en fait la veille, c'est-à-dire la veille, le vendredi soir, par rapport à l'islam, on dit la veille ou la nuit du sabbat, la nuit du samedi, ils jetaient en fait les filets. Ils jetaient les filets. Et le sabbat, ils laissaient comme ça, c'est-à-dire le samedi, ils laissaient comme ça, et ensuite le dimanche, ils allaient récupérer ce qu'ils avaient en fait ramassé comme poisson, qui s'était bien sûr pris dans les filets. Et en fait, à partir de là, ils faisaient la pêche même le samedi, mais bien sûr de manière indirecte. Donc ça, c'était une feinte, une astuce de leur part. C'est pour ça qu'il y a Allah Azza wa Jalla, وَسَلُمْ عَلِ الْقَرْيَةِ اللَّتِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. C'est-à-dire qu'ils ont transgressé, ils ont dépassé les limites ce jour-là, en pêchant. Et comme vous savez, Allah Azza wa Jalla, de par cette épreuve, et qu'ils n'ont pas pu dépasser avec succès, Allah Azza wa Jalla les a transformés. فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ قِرَادَةً. C'est-à-dire les a transformés en quoi? En singes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La même situation. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla va leur faire une épreuve, va leur donner une épreuve par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à ce que leur âme, par rapport à ce que leur âme désire. Et c'est aussi Saïd. C'est aussi en fait le fait de chasser. La chasse. Fayaqul wa qad imtahana Allah jalla wa ala ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi umrati al-Hudaybiyah bis-sayd wa hum muhrimun. فهيأ لهم جميع أنواع الصيد من الوحوش والطير من كبارها وصغارها ولم يعتدي رجل منهم ولم يصد في الإحرام كما بينه جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه بالغيب. سورة المائدة. Surat al-Ma'idah, c'est le verset 94. Donc ici, Allah Azza wa Jal, dans un premier temps, quelle était cette épreuve? Cette épreuve-là, c'était tout simplement lorsqu'ils étaient muhrim, wa hum muhrimun, en état d'ihram, c'est-à-dire qu'ils sont en état de sacralisation. Et c'était durant, bien sûr, l'Umrah al-Hudaybiyah, lorsqu'ils sont partis pour faire la Umrah. Et donc, à ce moment-là, vu qu'ils sont muhrim, Allah Azza wa Jal leur interdit de quoi? De chasser. Et bien sûr, ils sont en voyage, et ils ont faim. Il y a la faim, et donc ils voient autour de quoi? Ils voient autour d'eux ce qu'ils avaient l'habitude de chasser. Ils ont vu des jolis bestiaux, ce qu'ils avaient l'habitude de chasser. Ils ont vu aussi des jolis oiseaux qu'ils avaient l'habitude également de chasser. Parmi les grands et parmi les petits. Et à partir de là, il n'y a personne qui a transgressé. C'est-à-dire qu'ils ont suivi l'ordre d'Allah Azza wa Jalla à la lettre. Personne n'a chassé. Alors qu'ils étaient en état d'ihram, et bien sûr en voyage, ils se dirigeaient en direction de la Mecque. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit ensuite dans son livre, et donc la traduction du verset qu'on a cité, et c'est le verset 94. C'est le verset 94 dans Fisurat al-Ma'ida, la table servie. Ô les croyants, Allah va certainement nous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Donc là aussi, Ibtila. Comme Bani Israël ont eu un Ibtila par rapport au jour du samedi, pour la pêche de poissons, eux ils ont aussi un ibtila par rapport à la chasse du gibier durant l'état d'Ihram. Et bien sûr l'Ihram qui a duré plusieurs jours à l'Ihram, comme vous savez tous, c'est-à-dire l'état de sacralisation. Donc, en rapportant des preuves, et sont des preuves en fait qui sont prises de l'histoire, qui ont été vécues, deux épreuves dans le bien, ou deux épreuves par rapport à la peur et par rapport au désir, Bani Israël n'ont pas réussi et ils ont délaissé l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et l'ordre de leur prophète. Les compagnons, eux, ils ont bien sûr réussi et ils ont suivi leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont suivi Allah Azza wa Jalla de par son ordre, ils ont suivi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à partir de là, mimma la khilafa fi, yaqul al-shir, wa mimma la khilafa fi, wa mimma yubayyin anna qawlahu wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin anna al-murad 'alim zamanihim. C'est-à-dire que Shir al-Shankriti, Yaqul, qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça, il n'y a pas de divergence, que lorsqu'Allah Azzawajal a favorisé communauté qui est Banu Israël, c'est bien sûr il les a préférés, il les a favorisés par rapport à leur temps, ou les gens de leur temps uniquement, alors que Sahaba, eux, ils ont été meilleurs bien sûr pour les preuves qu'on a apportées, et qu'ils ont bien sûr été la meilleure des communautés, et ils ont été les meilleurs de la meilleure des communautés. Les Sahaba, les compagnons, ont été les meilleurs de la meilleure des communautés, ils ont été les meilleurs de cette communauté, la communauté musulmane. Ensuite, le shir, il va passer au verset 61, min surat al-Baqarah, au verset 61, et encore là, ici, on va voir que al-Maqsoud biha ou la Banu Israël, les enfants d'Israël. Mais le shir, il va faire apparaître maintenant une règle au niveau du Coran et une règle au niveau de la langue de façon générale. Yaqul Allah Azza wa Jal, buribat alayhim al-dhilla, wal-maskanatu waba'u bi-ghadabin min Allah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في سورة البقرة et qui est le verset 61. Et donc l'avilissement et la misère s'abattirent sur eux, ils ont couru la colère d'Allah, cela parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes, cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. يقول الشيعه رحمه الله هنا الشيخ عبد المحسن قوله بغير الحق هو وصف للقتل كاشف لا مفهوم له ان من شان قتل النبي ان يكون بغير حق ولا يتصور ان يقتل نبي بحق ومثل هذه الايه قول الله عز وجل ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Ça c'est surat Ali Imran et c'est le verset 21. À la kulli hal, on va revenir maintenant à l'explication que nous donne le shir. Maintenant, si une personne lit le Coran, que ce soit en arabe ou qu'on revienne aussi à la traduction, on revient à la traduction ou avant au verset en langue arabe. يقول الله عز وجل ويقتلون النبيين بغير الحق. La suivante, la traduction du sens est la suivante, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. La question maintenant qu'on va poser pour comprendre en fait ce que nous dit le shir, la question, est-ce qu'il est possible que l'on tue un prophète avec droit? C'est ça la question qu'on pose. هل يمكن أن نقتل نبيا بحق؟ هل هذا يمكن؟ هل أحد منكم يتصور أن يقتل نبي بحق؟ C'est-à-dire que est-ce qu'il est possible que l'on tue un prophète avec droit? Ici, il est dit et qu'il tuait sans droit les prophètes. Donc ici, sans droit, c'est une précision qui est faite. C'est une précision. Ici, yaqul wasf, yaqul shir wa wasfun, c'est-à-dire une caractéristique. C'est-à-dire qu'on va caractériser quoi ici? En l'occurrence, al-fi'l, c'est-à-dire l'action de ces gens-là, ceux qui tuaient les prophètes. Bireil il haq. Yaqul kashif. C'est-à-dire kashif qui va mettre en évidence. Allah Azzawajal met en évidence que c'est bien sûr sans droit. Que le fait que l'on tue un prophète, c'est sans droit. La mafoumala. Qu'est-ce que ça veut dire la mafoumala? C'est-à-dire, comme on a expliqué, la mafoumala. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre. Wahunat mafoum el mukhalafa. C'est-à-dire comprendre le contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre qu'il y a en fait un prophète qui serait tué avec droit. Donc c'est pour ça que yaqul shir la mafhoum ala. Il n'y a pas d'explication par rapport à cela, ou il n'y a pas de compréhension, c'est-à-dire comprendre. Lorsqu'on dit il n'y a pas de compréhension par rapport à cela, c'est-à-dire comprendre ce qui serait le contraire de cette phrase-là. Tuer des prophètes avec droit. Bien sûr, ça, on ne peut le comprendre. Donc c'est pour ça que yaqul shir la mafhoum ala. Et ensuite, il explique ce qu'on vient d'expliquer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle wasfun kashif, la mafhoum ala. Wasfun kashifun la mafhoum ala. Il va donner d'autres exemples encore où ce procédé revient dans le Coran. Et donc, ce wasf, cette caractéristique qui vient caractériser, ou cet attribut qui vient caractériser ici l'acte, est bien sûr pour mettre en évidence. C'est pour ça que naqul kashif, il vient mettre en évidence que ce qu'ils ont fait, bien sûr, c'est sans droit. C'est une évidence que c'est sans droit. Un autre verset qu'il a cité, le shir, et qui a en fait la même signification. C'est-à-dire qu'il est repris à l'intérieur du verset, de Ali Imran est le verset 21, et dedans il est cité وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. Et donc il est repris encore وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, c'est-à-dire aussi sans droit. Sans droit, ils tuent les prophètes, ils ont tué les prophètes sans droit. Donc le même procédé. Un autre verset qui nous cite le shir, et c'est aussi dans le surat Ali Imran, c'est le verset 112. وَبُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُهُ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Donc tout ça, tous ces versets qu'il a cités, le dernier c'est surat An-Nisa, et c'est le verset 155, surat les femmes. Il revient en fait toujours la même caractéristique, ou le même attribut qui vient caractériser quoi ? Al-Fi'l, qui vient caractériser l'acte de ces gens-là, et qui est le fait de tuer, l'assassinat des prophètes. Et à chaque fois, bi-ghayri al-haq, c'est-à-dire sans droit. Et donc on ne comprend pas à partir de là qu'il pourrait y avoir un meurtre d'un prophète, d'un envoyé qui serait fait par droit, avec justice. Ça, c'est pas possible. Donc, on comprend le terme la mafoumala. Il va maintenant, donc ça, c'était toujours par rapport à la même signification. Il va nous donner maintenant une autre, c'est-à-dire une autre, ce qu'on appelle minasifat al-kashifa. C'est-à-dire, il va nous donner des autres caractéristiques qui ont la particularité de mettre en évidence quelque chose. Lorsqu'on dit quelque chose, ça va être bien sûr de façon générale. Wa yaqul ash-shi'ru min as-sifat al-kashifa qawluhu wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih. Ça fait surat al-mu'minun, et c'est le verset 117. Surat al-mu'minun, le verset 117. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente entre parenthèses de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Taïd. Ici, yaqul al-shir, ay inna min sha'ni man yad'u ghayra Allahi annahu la burhana lahu bidhalik wa la yatasawwar an yad'u ghayra Allah wa yakunu lahu bi burhan wa qawlu inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu. Le premier exemple qu'il nous donne, donc, c'est le verset qu'on a cité, 117. C'est le verset 117. Il nous dit le shir, lorsqu'Allah Azza wa Jalla yaqul la burhana lahu bi, sans avoir la preuve évidente, aura à rendre des comptes, c'est-à-dire sans avoir la preuve évidente de ce qu'il a fait, de l'acte qu'il a fait. L'acte, c'est quoi? C'est un shirk. C'est un shirk. Pourquoi? Parce que celui qui invoque un autre qu'Allah Azza wa Jalla, et l'invocation fait partie de l'adoration, الدعاء من العبادة نوع من العبادة طيب, ça fait partie de l'adoration. Donc celui qui fait une adoration pour un autre qu'Allah Azza wa Jalla, il est tombé bien sûr dans le shirk, il est tombé dans l'associationnisme, il est tombé dans le polythéisme, الشرك بالله. Donc à partir de là, يقول الله عز وجل وما يدعو مع الله إله آخر, et qui bien sûr invoque un autre que lui, c'est-à-dire une autre divinité qu'Allah Azza wa Jalla. La burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih. C'est-à-dire que celui qui va adorer, ou celui qui va invoquer un autre qu'Allah Azza wa Jal, et qu'il n'a pas de preuve par rapport à ce qu'il a fait, alors bien sûr, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, son compte sera auprès d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que maintenant, lorsqu'on voit que c'est as-sifatul kashifa, c'est-à-dire min as-sifatul kashifa, c'est-à-dire wasfun kashif, maratan ukhra, c'est-à-dire que c'est une caractéristique qui vient mettre en évidence que la personne qui commet un acte de polythéisme, qui invoque en dehors d'Allah Azza wa Jal un autre que lui, il n'a pas de preuve. La burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbi. La mafhumala, qu'est-ce que ça veut dire la mafhumala ici? Si on applique cette phrase qui nous a dit le shir, ça veut dire tout simplement, est-ce que maintenant on s'imagine qu'ils sont en possession d'une preuve par rapport à l'acte qu'il a fait, et l'acte ici c'est l'associationnisme? Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Bien sûr que non. Donc Allah Azza wa Jalla, tout simplement, lorsqu'il dit « La burhana lahu bi, wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bi », tout simplement, il met en évidence Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui adore en dehors de lui, Arfouane, que celui qui adore en dehors de lui un autre que lui, qui invoque en dehors de lui un autre que lui, il ne peut avoir de preuve. Donc voilà, et ça il faut bien comprendre par rapport à ce verset. L'autre verset qui nous a cité et qui est dans une autre signification, c'est le verset numéro 44 min surat al-Maïda, la table servie. Inna anzalna at-tawrat fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu alladhina aslamu. Ça c'est wasf al-kashif, wasfun kashifun alladhina aslamu. Même procédé. Est-ce qu'il est possible, donc la traduction du verset, nous avons fait descendre le Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah. C'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah. Est-ce qu'on s'imagine maintenant qu'il y a des prophètes qui ne sont pas soumis à Allah? C'est-à-dire, il faut maintenant réfléchir inversement pour comprendre qu'est-ce que l'on veut dire par le terme wasfun kashif. An-nabiyyun alladhina aslamu. Est-ce qu'il est possible qu'on trouve un prophète qui ne sait pas yani yaqul al-shaykh ma'na aslamu istaslamu wa inqadu lillah wa inqadu lillah, c'est-à-dire qu'ils se sont soumis à Allah azza wa jalla, qu'ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sont humiliés devant lui, qu'ils ont soumis leur âme, leur corps, leur être tout entier devant Allah azza wa jalla, devant ses ordres et devant ce qu'Allah azza wa jalla a voulu d'eux. Alladhina aslamu. Donc ici on voit wasfun kashif, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla il met en évidence l'état de ces gens-là, ou l'attribut de ces gens-là qui sont les prophètes. Donc c'est une mise en évidence. Il fait apparaître de façon claire et nette cet attribut devant ceux qui vont lire le Coran. Alladhina aslamu. Et donc bien sûr on ne peut s'imaginer que l'on va comprendre le contraire, c'est-à-dire qu'on va comprendre qu'il y aurait des prophètes qui ne sont pas soumis réellement à Allah Azza wa Jal. Taïb. Et donc il rapporte bien sûr d'autres versets, le shir, en prouvant cela, c'est-à-dire en prouvant que ma'na aslamu istaslamu wa inqadu lillah. Donc le terme aslamu, il va maintenant revenir sur l'explication du terme aslamu. Kama qala Allahu azza wa jalla an Ibrahim idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ça c'est sourate al-Baqara, c'est le verset 131. Quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Wa qawlu an Ibrahim عن إبراهيم أو إسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البقرة 128. Notre Seigneur fait de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. C'est pour ça que معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. Al-wasf nou'an. Maintenant, on a vu en fait que al-wasf, c'est-à-dire la caractéristique, on a vu une des catégories. Le cheikh dit qu'il y en a deux catégories. Dans le Coran, il y a deux catégories. Donc, il y a quoi al-wasf nou'an. Kashifun wa mukhassisun. Kashifun wa mukhassisun. Wa ma taqaddama min al-ayati min amthilati al-wasf al-kashif. Min amthilati al-wasf al-kashif. وأما الوصف المخصص فله مفهوم. طيب انتبهوا. On va comprendre maintenant un peu mieux beaucoup de versets du Coran en comprenant cette règle là. Il nous dit le shir donc الوصف نوعان. Il nous dit que tout ce qu'on a vu auparavant ça rentre dans الوصف الوصف الكاشف الوصف الكاشف. Ça c'est ce qu'on a vu auparavant الوصف الكاشف. Et comment on l'a traduit? Il nous dit qu'il y a maintenant une autre caractéristique qui s'appelle الوصف المخصص. Al-wasf al-mukhassis. Yani mukhassis yukhassis. C'est-à-dire wasfun yukhassis. C'est-à-dire que c'est une particularité qui vient spécifier. Qui va venir spécifier quelque chose. On va voir maintenant l'exemple. On va donner des exemples par rapport au Coran. Exemple que le chien va nous citer. Et on va comprendre un peu mieux ici la différence qu'il y aura entre les deux. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le terme mukhassis qui veut dire au niveau littéral spécifie. Yaqul Allah Azza wa Jal. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. Ça c'est sourate An-Nisa et le verset 92. Sourate An-Nisa et le verset 92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant. Celui qui va donc tuer un croyant par erreur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donc affranchir un esclave. Ici, un esclave croyant. Un esclave croyant. Donc ici, on a un wasf de l'esclave. C'est-à-dire, on a une caractéristique de l'esclave, un attribut de l'esclave. Quel est cet esclave-là? Croyant. Il est croyant. Taïb, comme dans le verset. comme dans le verset فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ هذا مؤمنة وصف وصف لرقبة c'est-à-dire c'est l'attribut la caractéristique de quoi de l'esclave que devra affranchir la personne qui a tué un croyant par erreur يقول الشيخ فَإِنَّ وَصْفَ رَقَبَةِ بِالْمُؤْمِنَةِ مَفْهُومُ وَأَنَّهُ لَا يَجْزِي يَعْتَاقُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَ وَقَدْ جَمَعَ الْوَصْفَيْنَ الْمَتَيْنِ Le shir nous dit tout simplement maintenant qu'on a un wasf ici, mais que ce wasf mukhassis, c'est-à-dire qu'il vient spécifier ce qui est caractérisé. Ici c'est al-raqaba, c'est l'esclave. Et il nous dit le shir tout simplement que cet attribut, que cette caractéristique, elle a une compréhension. Elle a une compréhension. Lorsqu'il nous dit mafhumu, c'est-à-dire qu'elle a une compréhension. Et c'est ce qui va faire la différence en fait avec al-wasf al-kashif. لا مفهوم له، c'est-à-dire الوصف الكاشف لا مفهوم له. أما الوصف المخصص فلا مفهوم، c'est-à-dire qu'elle a une compréhension qu'on va comprendre. Et qu'est-ce qu'on va comprendre bien sûr ici مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، c'est-à-dire qu'on va comprendre l'inverse. C'est-à-dire tout simplement que dans ici le verset, lorsqu'on va comprendre qu'Allah Azza wa Jal nous indique, nous informe et nous ordonne d'affranchir un esclave. Qui est croyant, ça veut dire qu'il ne nous est pas permis d'affranchir un esclave qui n'est pas croyant. Et que cela n'est pas compté. Si par exemple on affranchit une personne ou un esclave qui n'est pas croyant, c'est-à-dire kafir, un esclave qui est non-croyant, qui est mécréant, alors cela ne sera pas compté comme l'affranchissement que l'on doit faire par rapport à cette question-là. La question d'avoir tué un croyant avec erreur, par erreur. لا يجزي يقول الشيخ يرتاق الرقبة الكافرة طيب donc maintenant on comprend la différence qu'il y a entre الكاشف والمخصص il va nous donner maintenant un exemple الشيخ par rapport ou va nous donner un exemple où l'on trouve dans un verset les deux caractéristiques celle qui est dit كاشف et celle qui est dit مخصص Donc bien sûr, dans le verset précédent, on voit maintenant marna yuhassis, c'est-à-dire on a al-was yuhassis nou' al-raqaba, c'est-à-dire que l'attribut va spécifier la catégorie de l'esclave et la catégorie ici qui va être de la catégorie des croyants, mu'mina. Donc on voit maintenant, on comprend pourquoi les savants ont employé ce terme-là, yuhassis. Maintenant, le shaykh va nous rapporter un verset où on va trouver les deux caractéristiques, celle qui est dit kashif et celle qui est dit mukhassis, dans le même verset. Yaqul le shaykh, qala Allah azza wa jal, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ça, c'est verset 23 de Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. فإن مفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن أن الزوجة غير المدخول بها لا تحرم بنتها كما هو نص الجملة بعده فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وقوله اللاتي في حجوركم وصف كاشف لا مفهوم له ولا traduction du verset ou du sens du verset est la suivante Warabaibukum. Le terme warabaibukum. Le terme rabaibukum, ça c'est un terme qui vient au pluriel. Et son singulier c'est arabiba. Ou rabibatun. Son singulier c'est rabibatun. Rabibatun. Donc écrivez-le ce terme. Rabibatun. Et son pluriel c'est, comme dans le verset, rabaib. Arabaib. Arabaib, c'est le pluriel donc de arabiba. Et quel est en fait, qu'est-ce que veut dire Rabiba? C'est en fait la fille de la femme avec laquelle on s'est marié. C'est la fille de la femme avec laquelle on s'est marié. C'est pour ça qu'ils traduisent en fait belle-fille. Belle-fille sous vos tutelles et issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Le verset en français, pour tout le monde le voit. Belle-fille sous votre tutelle, et à niveau belle-fille sous votre tutelle, et issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Donc on a dit Arabiba, donc c'est la fille de la femme avec laquelle on s'est marié. Taïb, bien sûr, la fille que cette femme a eue avec un autre avec un autre homme. Qu'est-ce que veut dire le verset? Il veut dire tout simplement, ça c'est un hukm au niveau de l'islam, c'est un statut au niveau de l'islam, une loi, que la personne qui se marie avec une femme qui a une fille, alors cette fille-là deviendra interdite à cet homme, mais à une condition. La condition, c'est qu'il a eu en fait un rapport avec elle, c'est-à-dire qu'il a consommé son mariage, qu'il y a eu un rapport entre l'homme et cette femme qui s'est mariée. C'est ça la condition. Si maintenant un homme se marie avec une femme, cette femme-là avait déjà une fille, s'il se marie tout simplement, qu'est-ce qu'on comprend ici? S'il se marie tout simplement, yani mujarrad al-aqd, s'il se marie tout simplement, et ensuite, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas en fait, il y a al-fasr al-aqd, c'est-à-dire qu'on annule l'acte et l'homme n'a pas touché la femme, il n'a pas eu de rapport avec la femme. Qu'est-ce qui se passe? Donc à ce moment-là, la personne ou l'homme a le droit de se marier avec, c'est-à-dire qu'elle ne devient pas mahram, elle ne devient pas interdite à lui, il a le droit de se marier. Par contre, si cet homme-là a eu un rapport sexuel et ensuite ils ont divorcé, alors du fait qu'il a eu un rapport sexuel, du fait qu'il a consommé son âge avec cette femme, cette fille-là lui deviendra interdite tout le temps. Elle lui deviendra interdite tout le temps, c'est-à-dire ce sera un mahram pour elle, il pourra s'asseoir avec elle, même si elle, quand elle sera grande, il pourra s'asseoir avec elle, il pourra voyager avec elle, etc. C'est un mahram. Cet homme-là devient un mahram. Donc, il faut bien, pour bien qu'on comprenne le verset d'abord, et ensuite qu'on vous explique quelle est l'wasf al-kashif ou l'wasf al-mukhassas. Donc, c'est ici, c'est la compréhension que l'on prend du hadith. Et ça, entre parenthèses, c'est la différence qu'il y a en fait avec les mères. Et il y a une règle en fait par rapport à ça. Naqul al-aqdu ala al-banat yuharrim al-ummahat wa ad-dukhul bil-ummahat yuharrim al-banat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à la fille, si par exemple maintenant une personne, elle aqdu ala al-banat, si maintenant une personne se marie avec une femme et cette femme-là elle a une mère, tayyib, mujarrad al-aqd, c'est-à-dire simplement il y a eu un acte, même s'il n'a pas eu de rapport avec la fille ou quoi que ce soit, il n'a pas eu de rapport avec cette fille, simplement le fait qu'il y ait eu un acte, automatiquement la mère devient interdite, même s'il n'y a pas eu de rapport, contrairement avec la mère par rapport à sa fille. Donc on voit ici la différence, ça c'est un hukm à savoir, c'est une faïda qu'on donne, c'est-à-dire que l'homme maintenant se marie avec une fille, simplement le fait qu'il y ait eu un acte entre eux, lorsque je dis l'acte, c'est bien sûr le contrat de mariage. L'aqdou, c'est le contrat de mariage. Lorsqu'il y a eu simplement un contrat de mariage avec l'homme et la femme, à partir de là, la mère devient interdite à cet homme-là de façon continuelle, tout le temps. Et même s'il n'y a pas eu de rapport entre l'homme et la fille Tayyib, contrairement maintenant par rapport à la mère. Donc si la mère, l'acte, c'est le contrat de mariage avec l'homme, simplement le contrat de mariage, alors à partir de là, s'il n'y a pas eu de rapport et il y a eu un divorce, la fille deviendra halal, c'est-à-dire elle deviendra, je veux dire, licite pour cette personne, elle peut se marier avec elle. Par contre, s'il y a eu un rapport, alors non. Donc je crois que c'est compris. Et ensuite, فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Si vous n'avez pas consommé le mariage avec cette femme-là, alors cette fille-là vous sera permise. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Il n'y a pas de mal, bien sûr, que vous mariez avec elle. Donc on comprend tout simplement allati dakhaltum bihinna, on comprend le contraire, c'est-à-dire allati dakhaltum bihinna, c'est-à-dire que vous avez eu un rapport, vous avez comment consommé avec le mariage avec elle, le contraire de cela, c'est celle que vous n'avez pas consommé le mariage. Donc pour celle que vous avez consommé le mariage, la fille est interdite. Pour celle que vous n'avez pas consommé le mariage, la fille est licite. Al-wasf al-mukhassis, c'est-à-dire al-wasf alladhi lahu mafhum. Al-wasf alladhi lahu mafhum, huna lahu mafhum. Mafhum al-mukhalafa. Donc c'est unak al-wasf al-mukhassis qui spécifie en fait quelle est cette fille avec laquelle, ou c'est quelle est cette belle fille avec laquelle on ne pourra avoir en fait de mariage dans le futur, à qui deviendra interdite. C'est celle avec laquelle ou avec qui on a eu un rapport avec sa mère, on a eu consommé le mariage avec sa mère. Tayyib, naam. Donc c'est l'wasf al-mukhassis. Maintenant, le wasf al-kashif, c'est la parole suivante, la parole d'Allah Jalla dans ce verset. Allati fi hujurikum. Allati fi hujurikum. C'est-à-dire que allati fi hujurikum, celles qui sont en fait qui sont sous votre tutelle, ou alors qu'on peut dire qui sont aussi dans votre foyer, qui sont en fait avec vous, qui vivent avec vous. Donc on voit bien sûr, il se peut que par rapport à un homme qui se marie avec une femme, sa fille vive par exemple avec son père et loin, c'est-à-dire qu'il ne verra pas cette fille-là et jamais elle, il sera sous sa tutelle, et jamais en fait elle vivra avec lui sous le foyer. Taïd. Et une autre, l'autre catégorie de filles, c'est la fille qui va vivre en fait avec sa mère et qui va être présente donc dans le foyer. Donc l'homme sera avec la fille en fait de sa femme. Taïd. Donc il vit avec elle, il sera bien sous sa tutelle, il va avoir une responsabilité par rapport à cette fille-là. Donc maintenant, lorsqu'on dit wasfu kashif, ça veut dire que la mafouma la. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est un hukm. C'est un hukm. Ça veut dire que la fille qui, comme on l'a dit, qui se trouve, qui ne vit pas sous la tutelle de la personne et qui vit par exemple avec son père ou qui est dans un autre pays ou qui est loin d'elle, c'est-à-dire qui n'est pas sous sa tutelle, qui ne vit pas avec elle, alors c'est la même chose que la fille qui va vivre en fait avec la mère. Qui va vivre en fait avec la mère, qui va vivre en fait sous la tutelle de l'homme. Ça sera pareil pour les deux. Donc, le fait qu'on dit fi hujurikum, ça ne veut pas dire que celle qui n'est pas allati laysat fi hujurikum annaha la tahrum, la bal tahrum, bal tahrum. C'est-à-dire donc elle devient illicite après qu'il y a la consommation de mariage, elle devient illicite comme la fille qui aurait vécu dans le foyer, qui aurait vécu sous la tutelle de l'homme, elle et elle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle wasfun. Et c'est pour ça le cheikh vient appuyer wa yadullu dhalika li dhalika qulu sallallahu alayhi wa sallam li zawjatihim fala ibna alayya banatikunna wala akhawatikun rawal imam al-bukhari wa muslim fayadkhul tahta qawli banatikum kullu bintin li zawja fayashmal banatiha wa banati abnaiha wa banati banatiha. Donc le cheikh tout simplement il vient appuyer ce qu'il dit par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à ses femmes ne me présentez pas vos filles wala khawatukun et vos sœurs, ne me présentez pas vos filles et vos sœurs, c'est-à-dire pour le mariage, c'est-à-dire que ce qu'on comprend par là de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles lui sont interdites. Donc chaque homme qui se marie avec une femme et donc qui a consommé le mariage, donc dans le cas ici le prophète s'est consommé le mariage avec ses femmes, alors vos filles vous sont interdites, et également bien sûr comme c'est connu les sœurs aussi sont interdites. Donc ici Aam, c'est à dire que c'est général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas précisé celle qui était ou qui a vécu sous ma tutelle ou celle qui ne va pas vivre sous ma tutelle. Donc en fait ça c'est général. Donc d'après cette généralité qui se trouve dans le hadith, c'est une preuve donc que la fille, qu'elle soit sous la tutelle, qui vit avec l'homme ou qu'elle ne vit pas avec l'homme, si l'homme il a eu un rapport avec la femme, il a consommé son mariage, elle lui sera interdite. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.